الحمد لله الحمد لله رب العالمين للونج تاديو سينيور ديز اونيفير جعل الارض مهادا الى روندو لا تير بلات والجبال اوتادا الى في دي مونتاني دي بيو دو فيكساسيون ça veut dire pour la terre وخلقنا ازواجا et il nous a créé en couple, ça veut dire homme et femme, et il a fait de notre sommeil un arrêt d'activité, il a fait de notre nuit un voile discret, et il a fait de notre jour un moment pour, ou propice pour la recherche des subsistances. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. يقول الله تعالى وتبارك لعباده المؤمنين. Il dit à ses serviteurs croyants, يا عبادي, ô mes serviteurs, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. Si vos premiers, vos derniers, vos humains, vos génies se mettent dans un seul lieu, dans un même lieu, فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. Et par la suite, ils m'ont fait des demandes. Et dans le cas où j'accorde à chacun ce qu'il a demandé, ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqasu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Ceci ne va diminuer de ce que je possède que comme ce que diminue une aiguille qu'on fait plonger dans un océan. Rawahu al-Imam Muslim, rapporté par l'Imam Muslim. Ya Rab, ô mon Seigneur, Ya man yujibu al-abda qabla su'alihi, wa yajudu lil'asina bil'ghufrani, wa idha atahu al-talibuna li'afwihi, satara al-qabiha wa jada bil'ihsani, inna li dhunuban anta ta'rifuha, fanajji hadha al-wajha min al-nirani, وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu, صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إليه وهو يقول. Écoutez ce prophète, prière et salut sur lui, lorsqu'il dit, لا حسد إلا في اثنين أو في اثنتين. Nul envie que dans deux cas. Rajulun atahu Allahu al-Qur'an, un homme auquel Dieu a donné ou a apporté le Coran, fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Et il est en train de le lire et de l'appliquer pendant le jour et la nuit. Wa rajulun atahu Allahu malan, et un homme auquel Dieu a donné une fortune, فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. Et il est en train de la dépenser pendant le jour et la nuit. متفق عليه, unanimement authentique. سيدي, أمير الأنبياء, maître, émir des prophètes, صلى الله عليك عدد نجوم السماء, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, رمال الصحراء, au nombre aussi de la, des sables du désert, وأولاد آدم وحواء, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. أما بعد, أيها الإخوة والأخوات في الإسلام, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى, très cher ou bien-aimé Mohammed al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Qala Allahu ta'ala wa tabaraka li nabiyyihi Muhammadin صلى الله عليه وسلم في آية قرآنية. Dieu le Très-Haut a dit à son prophète Muhammad, prière et salut sur lui, dans un verset coranique, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité et bon droit. Adore donc Dieu en ne lui associant rien dans ton culte. Ala lillahi ad-dinul khalis. N'est-ce pas à Dieu qu'est la religion pure? Wa atasa'al. Et je m'interroge. Kayfa yajib an na'bud Allah? Comment doit-on adorer Dieu? Al-jawab bi ikhlas. La réponse avec sincérité, avec pureté. Wa atasa'al ma huwa al-ikhlas? Et je m'interroge. Quelle est la signification du mot ikhlas? Al-jawab, la réponse, al-ikhlas shart li qabul al-a'mal li'anna Allah la yaqbal min al-a'mal illa ma kana khalisan li wajhihi al-karim al-mi'ah bil-mi'ah. L'ikhlas, ou bien la sincérité ou la pureté dans l'œuvre, est une condition d'agrément des œuvres, parce que Dieu subhanahu wa ta'ala n'agrée parmi les œuvres que ce qui est pur et sincère pour sa noble face à 100%. فالإخلاص هو سر قبول العبادة أو الطاعة. L'ikhlas, ou bien la sincérité, est le secret de l'agrément de toute adoration ou bien obéissance. وعدم الإخلاص est le manque d'ikhlas. Ça veut dire de sincérité, imma shirk wa imma riya, s'appelle, lorsqu'il y a un manque d'ikhlas, ça veut dire soit on est associateur, mushrik, ou bien quelqu'un qui pratique riya. Wa riya, c'est l'hypocrisie, une forme d'hypocrisie, une forme de faire des actions ostentatoires pour plaire aux gens et non pas pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Riya, هو تزيين الأعمال أمام الناس. الرياء, ou cette forme d'hypocrisie, est le fait d'embellir les actions d'adoration devant les gens, c'est-à-dire lorsqu'en présence des gens. وقال الله تعالى, Dieu le Très-Haut dit, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. On ne leur avait pourtant ordonné que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion. Je m'interroge, quel est le lieu où réside l'ikhlas, ou la sincérité, entre guillemets? Al-jawab, la réponse, le lieu de sincérité est le cœur. اسمعوا ما قال مولانا عز وجل عن المنافقين. Écoutez ce que Dieu a dit à propos des hypocrites. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. Ils disent avec leur langue ou bien dans leurs paroles ce qui n'existe pas dans leur cœur. Ça veut dire le lieu de la sincérité est le cœur. يعني محل الإخلاص هو القلب. المنافق يقول بكلامه ما لا يوجد, يقول بلسانه ما لا يوجد في قلبه. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. بما يكتمون في قلوبهم وفي سرهم. Et Dieu est parfaitement au courant de ce qu'ils cachent, ça veut dire dans leur cœur. فالمنافق قلبه في واد ولسانه في واد آخر. L'hypocrite, son cœur se trouve dans une vallée et sa langue se trouve, ou ses paroles se trouvent dans une autre. قال العلماء, les savants ont dit, الأعمال التي نحاسب عليها إما أعمال ظاهرة. Donc les actions pour lesquelles on sera jugé, soit, ça veut dire ces actions sont apparentes, ظاهرة, مثل الصلاة والصدقة, comme par exemple la prière, comme la zakat ou l'aumône, wa imma a'mal batina lil qalb, ou bien des actions intérieures qui se trouvent dans le cœur. Min hubbillah, comme l'amour de Dieu, on ne le voit pas. Il réside dans le cœur du musulman. Ou tawadu', ou bien la modestie. Ou al-hiqd, ou bien la haine. On ne peut pas voir la haine. La haine réside dans le cœur, mais Dieu voit la haine. Ou al-hiqd, ou al-bughd, ou bien la détestation. Ou al-kibr, ou bien l'orgueil. Ou al-hasad, ou bien la jalousie. Il a akhiré, etc. Wa kay takuna al-a'mal maqboula 'inda Allah yawm al-qiyamah, afin que les œuvres soient agréées auprès de Dieu le jour de la résurrection, la budda an yuwafiq adh-dhahir al-batin. Il est nécessaire que l'extérieur et l'intérieur soient en plein accord, c'est-à-dire ce que le musulman apparaît parmi, ou fait apparaître parmi ses actions, était exactement conforme avec ce qu'il y avait dans son cœur lorsqu'il faisait ses actions. Je donne deux exemples pour ceci. Le premier exemple, rajulun yahsuduka wa yakrahuka wa anta la ta'lam wallahu ya'lam. Un homme qui est jaloux de toi, qui te déteste. Et toi, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas qu'il te déteste. Mais Dieu le sait. Wallahu ya'lam. Walakin lamma yalqak yabtasim fi wajhik. Mais lorsqu'il te rencontre, il te montre un grand sourire. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète prière et salut sur lui dit, yaqul ibtisamatuka fi wajhi akhika sadaqa. Ton sourire devant ton frère est une aumône, est une sadaqa. Ou comme a dit sallallahu alayhi wa sallam. Fahal hadhihi al-ibtisama li akhik tu'addu sadaqa? Est-ce que ce sourire pour ton frère s'appelle une aumône? Al-jawab la. La réponse non. Hadhihi tu'addu nifaqan. Ce sourire s'appelle une hypocrisie. Yani dhahik asfar ou ibtisama safra. Ce qu'on appelle en arabe le sourire jaune. لأن لا إخلاص فيها, parce que ton sourire manque de sincérité. لأن الظاهر خالف الباطن, parce que l'action extérieure n'est pas en accord avec l'action intérieure. الظاهر وجه مبتسم, l'apparence un visage souriant. والباطن قلب متألم, mais l'intérieur est un cœur haïssant. الظاهر صديق الحميم, en apparence un ami intime. والباطن عدو مبين, mais dans l'intérieur il s'agit d'un ennemi pur et dur. المثال الثاني, je donne un autre exemple. رجل يتظاهر بالعبادة والصلاح أمام الناس. Un homme qui montre une bonne adoration, une belle vertu lorsqu'il est en présence des gens. ولكن لما يكون وحده تنقص العبادة وينقص الصلاح. Mais lorsqu'il est seul, il n'y a plus personne, il y a l'absence des gens, il n'y a plus les gens, son adoration diminue, sa vertu s'absente. ويقوم ببعض المعاصي, et en plus il commet quelques désobéissances ou quelques péchés. يعني هناك ازدواجية في الشخصية. Ça veut dire il y a une double personnalité pour lui. شخصية أمام الناس, une personnalité meilleure devant les gens. وشخصية أخرى لما يكون وحده مع رب الناس. Et une autre personnalité lorsqu'il est seul devant le Seigneur des gens. فهل يعد هذا عند الله من الصالحين? Peut-on compter celui-ci chez Dieu comme un vertueux? الجواب لا. La réponse non. هَذَا شِرْكٌ هَذَا رِيَاءٌ. Il s'agit là d'une association bien d'un riya. لِأَنَّ لَا إِخْلَاصَ فِيهِ. Parce que ce qu'il faisait manquait de sincérité. لِأَنَّ الظَّاهِرْ خَالَفَ الْبَاطِنِ. Parce que l'apparence ou l'action apparente contredit ou s'oppose à ce qu'il avait dans l'intérieur. الظَّاهِرْ لِلنَّاسِ رَجُلٌ صَالِحٌ عَابِدٌ. L'apparence pour les gens est un homme vertueux, adorateur, sérieux, etc. والباطن عن الناس. الشيء الذي لا يعرف الناس هو انه رجل عاص آثم وذو الحرام. Mais le côté caché, le côté que les gens ne peuvent pas voir, c'est que c'est un homme pécheur et désobéissant. هذا شرك. Il s'agit là d'une association. لأنه أشرك في عبادته لله الناس. Parce qu'il a associé les gens avec Dieu dans ses adorations. زين العبادة أمام الناس. ولما كان وحده مع الله ترك العبادة. نقص العبادة وعصى. Il a bien embelli, il a bien fait à la perfection l'adoration lorsqu'il y avait les gens, mais lorsqu'il était seul devant Dieu subhanahu wa ta'ala, il a oublié l'adoration ou il n'a pas bien adoré Dieu subhanahu wa ta'ala, et même en plus il a désobéi à Dieu, peut-être il a commis des péchés. Idan, فَهُوَ يَعْبُدُ النَّاسِ أَكْثَرْ مِنَ اللَّهِ. Donc cette personne adore les gens plus que Dieu. Parce que lorsqu'il y a les gens, il adore bien. Mais lorsqu'il n'y a que Dieu, il n'adore pas bien. Ou il commet devant lui les péchés les plus graves. النتيجه كي تكون الاعمال خالصه مقبوله لا بد من موافقه الظاهر للباطن. Donc la conclusion, le résultat, afin que les actions soient agréées par Dieu, tout ce qu'on fait, afin qu'il soit agréé par Dieu, il faut une condition, une harmonie entre l'apparent et le caché, entre ce qui est extérieur et entre ce qui est intérieur. Sinon tu es un pur menteur. Imma munafiq wa imma mushrik. Soit un hypocrite ou un associateur. Wa aktharu an-nas al-yawm tuhawil an tuslih adh-dhahir. Lianna da shay'un sahl. Et la majorité des gens aujourd'hui essaient de bien soigner l'extérieur. Parce que c'est facile de laisser pousser une barbe. C'est facile de porter un habit ou un vêtement musulman, soit pour les hommes ou pour les femmes. أن تصلح الظاهر هذا شيء سهل. أن تقول للأخ السلام عليكم وعليكم السلام إن شاء الله ما شاء الله. يعني هذا أمر سهل. وتتظاهر بمظاهر الصالحين. وتنسى إصلاح الباطن. وهذا الصعب. Et en même temps, tu oublies de soigner l'intérieur. Et c'est ça le côté le plus difficile. Ça, c'est le plus grand jihad. C'est de combattre sa personne pour purifier, pour bien soigner son intérieur. Wallahu yaqul. Et Dieu dit, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Renoncez au péché aussi bien dans ses apparences que dans sa réalité effective ou bien intérieure. وَيَقُولُ كَذَلِكَ. Et Dieu dit dans un verset coranique, يَتَكَلَّمْ مَعَنَا. Dieu parle avec nous les musulmans. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. N'approchez pas les péchés apparents ou cachés. Ça veut dire ni en public, ni en privé, ni lorsque vous êtes devant les gens, ni lorsque vous êtes seul. من الممكن أن تكذب على الناس. Il est possible de mentir aux gens. ولكن لا يمكن أبدا أن تكذب على الله. Mais il est impossible, mon frère ou ma soeur, de mentir à Dieu. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Écoutez ce que dit le prophète, prière et salut sur lui. إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. Dieu ne regarde pas vos corps, ni votre aspect extérieur, ni vos images. ولكن ينظر إلى قلوبكم. Mais plutôt il regarde vos cœurs. رواه الإمام مسلم. Rapporté par l'imam مسلم. الله لا ينظر إلى الجسم وهو يتظاهر بالعبادة. Dieu ne regarde pas le corps qui se montre ou qui fait, qui accomplit une adoration ou qui fait comprendre aux autres qu'il est en train de faire une adoration. الله لا ينظر إلى الصورة وهي تنافق. Dieu ne regarde pas l'image ou l'aspect extérieur qui joue la comédie devant les autres, qui fait la simulation devant les autres. لا ينظر إلى الجسم والصورة فقط. Dieu ne regarde pas le corps et l'aspect extérieur ou l'image uniquement comme les humains, كالبشر, ولكن ينظر كذلك إلى القلب. Mais plutôt, Dieu regarde en même temps lorsqu'il regarde le corps, l'aspect extérieur, il regarde en plus le cœur. Limada, pourquoi? لأن القلب هو محل الإخلاص. Parce que le cœur est le lieu de l'ikhlas, de la sincérité. Raison pour laquelle on doit tous soigner notre cœur et on doit l'embellir et le décorer. Parce que Dieu regarde surtout le cœur. Exactement comme on prend bien soin de nos visages, de nos habits, de nos vêtements pour les gens. On reste je ne sais pas combien devant les miroirs avant de rencontrer les gens. Parce que les gens donnent une grande importance pour l'aspect extérieur. وجب علينا تزيين القلب لله كذلك. De la même manière, on doit embellir nos cœurs pour Dieu. لأن الله يعطي قيمة للباطن. Parce que Dieu donne une grande importance à l'intérieur. وتزيين القلوب يكون بإفراغها من الذنوب. يكون بإفراغها من الدنيا وحب الشهوات ومن الأمراض بأنواعها. Et embellir les cœurs se réalise par les vider de l'amour excessif de ce bas monde, des désirs interdits dans ce bas monde, les vider de tous les péchés qui peuvent y habiter, ça veut dire dans les cœurs. Et en même temps de nourrir les cœurs par l'évocation de Dieu, par le rappel de Dieu, par vivre seconde après seconde en présence de Dieu, sentir la présence de Dieu et l'amour de Dieu. Comme Dieu l'a dit dans un verset coranique, أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. N'est-ce pas qu'avec le rappel de Dieu que les cœurs se rassurent et s'apaisent. فَإِذَا صَلُحَ الْقَلْبِ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّ. Lorsque le cœur devient saint, tout le corps le devient. كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Comme l'a souligné le prophète, prière et salut sur lui. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً. Certes, il y a dans le corps un organe. إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. Quand cet organe est sain, tout le corps le devient. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. Et quand cet organe est corrompu, tout le corps ou malade, tout le corps le devient. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. Cet organe s'appelle le cœur. وَالنَّتِيجَةَ إِذَا صَلُحَ الْقَلْبُ نَفَعَ صَاحِبَهُ غَدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. La conclusion, lorsque le cœur de l'humain est sain et sauf, il sera bien utile à son propriétaire le jour de la résurrection, comme Dieu l'a dit dans un verset coranique, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Le jour où ni argent ni enfants ne peuvent être utiles, إلا من أتى الله بقلب سليم. À part celui qui se rend à Dieu avec un cœur sain. اسمعوا الآن إلى ثلاث أمثلة. Je vous donne maintenant, mes frères et mes sœurs, trois exemples. Trois informations. الخبر الأول, la première information. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Un homme est venu voir le messager de Dieu, prière et salut sur lui. فقال, il dit, يا رسول الله, au messager de Dieu, إني أتصدق بالشيء, je donne en aumône quelque chose, وأصنع الشيء, ou je fais quelque chose, une bonne œuvre, par exemple, une hasana, أريد به وجه الله, et je cherche avec ce que je fais la face, de plaire à la face de Dieu subhanahu wa ta'ala. Je fais ça pour Dieu. أريد وجه الله ولكن وثناء الناس. Mais en même temps, je cherche aussi les remerciements des gens. Je cherche à plaire à Dieu, mais en même temps à plaire aux gens. Il dit comme ça au prophète, prière et salut. يا رسول الله أفعل الشيء أتصدق بالشيء من أجل الله من أجل مرضات الله ولكن ثناء الناس كذلك. أريد شكر الناس أن تشكرني أن يشكرني الناس. معنى هذا, ceci signifie, يحب أن يسمع الناس تقول عنه فلان طيب إلى آخره. Ça veut dire, il cherche à entendre les gens dire de lui « telle personne est bonne » ou bien « gentille » il a akhiré, etc. « Fa huwa yabhatu an mardati Allah wa mardati nas » Donc il est en train, cette personne qui posait la question au prophète, était en train de chercher la satisfaction de Dieu, et c'est une bonne chose. Mais en même temps, chercher la satisfaction des gens, et ainsi il est devenu associateur. Il a associé les gens avec Dieu. Ashraka an-nas ma Allah. Fakannahu ya'budu an-nas kadhalik. Comme si il adorait en même temps les gens. Wallahu yuhibbu at-tawhid wa yuhibbu al-ikhlas. Et Dieu aime de l'adorer d'une façon unique et d'être sincère avec lui. Fa qala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, prière et salut sur lui, lui dit: والذي نفس محمد بيده. Par celui qui tient l'âme de Muhammad entre sa main. لا يقبل الله شيئا شورك فيه. Jamais Dieu n'agrée une œuvre dans laquelle il y a des associés à lui. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. Et après le prophète a récité le verset coranique: ألا لله الدين الخالص. N'est-ce pas à Dieu qu'est la religion pure? Donc l'affaire est extrêmement dangereuse. Mais le problème, on ne fait pas attention. Raison pour laquelle Dieu, le Très-Haut, a dit à son bien-aimé Muhammad, prière et sachoui, dans un verset coranique, fait ayat coranique, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dis, ma prière, ma dévotion, ma vie, ma mort sont pour Dieu, Seigneur des univers. Tout ce que je fais est pour Dieu uniquement. يعني كل ما أفعل في هذه الدنيا لله تعالى وتبارك. La sharika lah. Min ba'd qala Allah la sharika lah. Nul associé à lui. Wa bidhalika umirt. Voilà ce qu'il m'a été ordonné de faire. Wa ana awwalul muslimin. Et je suis le premier des musulmans. Qul ghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay'. Dis, est-ce que autre que Dieu que je veux comme Seigneur, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? قل هل أبحث قل يا محمد هل أبحث عن آلهة من البشر أعبدها مع الله. Dis, ô Muhammad, est-ce que je suis en train de chercher une divinité parmi les créatures à adorer à côté de Dieu? وإليكم الخبر الثاني. Je vous donne la deuxième histoire ou la deuxième information. أحد الرجال أراد أن يتزوج امرأة. Un homme à l'époque du prophète, prière et salut sur lui, a voulu se marier avec une femme. تدعى أم قيس, qui s'appelait أم قيس, la mère de قيس. فشربت عليه شرطا. Cette femme a imposé pour cet homme une condition pour le mariage. أن يهاجر أولا من مكة إلى المدينة. La condition du mariage, c'est qu'il effectue une hégire, une émigration de la Mecque vers Médine. فقبل ذلك, il a accepté cela. وبعد الهجرة, après l'hégire, après l'émigration, تكلم الصحابة في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, ont informé le prophète, prière et salut sur lui, de cette histoire qui a eu lieu entre cet homme et la mère de Qais. فقال صلى الله عليه وسلم il dit, prière et salut sur lui, إنما الأعمال بالنيات. Les actions ne valent que par leur intention. وإنما لكل امرئ ما نوى. Et chaque individu sera récompensé selon son intention de départ. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Celui qui a eu comme intention de faire une hégire pour Dieu et son messager, son hégire est bien pour son Dieu et son messager. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. Mais par contre, celui qui avait une intention, c'est-à-dire de son hijr, pour acquérir des biens de ce bas monde, أو امرأة ينكحها وafin de se marier avec une femme, فهجرته إلى ما هاجر إليه, sa migration sera pour ce dont il a émigré. متفق عليه, unanimement authentique. فكان الناس يسمون هذا الرجل مهاجر أم قيس, أم قيس. Et les gens par la suite appelaient cet homme l'émigré pour أم قيس, pour la mère de قيس, لأن هجرته لم تكن خالصة لله المئة بالمئة, parce que son immigration n'était pas pure et sincère pour Dieu سبحانه وتعالى à 100%, بل كان فيها شرك لأم قيس, mais plutôt il y avait dans son immigration une association pour أم قيس. وإليكم الخبر الثالث والأخير, et à la fin je vous donne la troisième et dernière histoire, ou bien exemple. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager de Dieu, prière et salut sur lui, dit: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه, le premier homme qu'on va appeler pour subir le jugement le jour de la résurrection, رجل استشهد, un homme qui est mort comme martyr pour Dieu سبحانه وتعالى, فأتي به, on va l'apporter, les anges vont l'apporter. قال لله قاتلت فيك يا رب, il va dire à Dieu, j'ai combattu sur ton chemin pour te satisfaire, ô Seigneur, حتى استشهد, jusqu'à la mort, jusqu'à tomber, jusqu'au point que je suis tombé comme martyr. قال يعني الله كذبت, Dieu va lui dire, le prophète dit, Dieu lui répond, tu as menti. ولكنك قاتلت لأن يقال جريء, mais tu as combattu pour qu'on dise de toi courageux. فقد قيل, et on l'a dit, c'est-à-dire tu as eu ta récompense auprès des gens, ils ont dit que tu es courageux, tu as eu ce que tu as voulu, tu n'as plus rien chez moi aujourd'hui. يعني قاتلت من أجل أن يشكرك الناس ويقول عنك شجاع وقد قال الناس هذا في الدنيا وأخذت أجرك عند الناس في الدنيا ولا أجر لك عندي اليوم. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Et après, Dieu a donné ses ordres aux anges de le traîner sur son visage jusqu'au point de le jeter en enfer. ورجل تعلم العلم وعلمه, le deuxième homme que Dieu va appeler demain le jour de la résurrection, un homme qui a appris la science religieuse et il l'a enseigné, et qui a récité le Coran, on l'a apporté devant Dieu, on l'a ramené devant Dieu. تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك, يتعلم مع الذي يتكلم مع الذي يعلم السر وما يخفى, يتكلم مع علام الغيوب, يتكلم مع الذي لا تخفى عليه خافية مع الله. يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك. Oh Seigneur, j'ai appris la science religieuse pour toi et je l'ai enseigné aux gens pour toi et j'ai lu le Coran pour toi. Ya Rab. قال الله, Dieu va lui dire, كذبت, tu as menti. ولكنك تعلمت ليقال عالم, mais tu as appris la science afin qu'on dise de toi عالم ما شاء الله, un savant, un connaisseur, un expert. وقرأت ليقال هو قارئ, المقرئ فلان, الشيخ المقرئ فلان, وقال الناس هذا الكلام. Et tu as lu, tu as récité le Coran pour qu'on dise de toi, il a une bonne lecture, le récitateur, le cheikh, masha'Allah, le récitateur fulan, il a une belle voix. Et on l'a dit tout ça dans la vie ici-bas. فَقَدْ قِيلْ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. Et Dieu va donner ses ordres suprêmes aux anges pour qu'on le traîne sur le visage vers l'enfer. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَاثِ. Et le troisième homme qui se présenta devant Dieu subhanahu wa ta'ala, quelqu'un auquel Dieu a donné une large fortune dans tous les domaines de la richesse. فَأُتِيَ بِهِ, on l'a ramené devant Dieu. قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ يَا رَبِّ, تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك يا رب. Il a dit au Seigneur, je n'ai laissé aucun domaine dans lequel tu veux qu'on dépense de l'argent pour toi sans le faire. قال كذبت. Dieu le connaisseur, l'expert qui connaît tout, l'apparent et le caché, il lui a dit, tu as menti. وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٍ. Mais tu as fait tout cela pour qu'on dise de toi, il est généreux. فَقَدْ قِيلَ. Et on l'a dit. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ. Et après Dieu donne ses ordres suprêmes, on le traîne sur son visage jusqu'au point qu'on le jette dans l'enfer. رَوَاهُ الْإِمَامُ مُسْلِمُ. Rapporté par l'imam muslim. فَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ قَامُوا بِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ. Ces trois, ils ont accompli dans la vie ici-bas les meilleures actions, les actions que Dieu aime le plus. وَأَحَبَّهَا إِلَى اللَّهِ وَلَكِنْ لم تكن خالصة لله المئة بالمئة. Mais ils se sont trompés. Tout ce qu'ils ont fait et qui est aimé pour Dieu, ils ne l'ont pas fait à 100% pour Dieu, parce que Dieu aime ça. Mais ils l'ont fait en même temps pour que les gens disent quelque chose en leur faveur. كان فيها رياء. Il y avait du ria, de la simulation, de l'ostentation, de l'hypocrisie dans leurs actions. وشرك للناس. Il y avait aussi une association dans leurs œuvres devant les gens. فرفضها الله وأمر بهم إلى النار. Et Dieu a refusé leurs actions en bloc. Et il a ordonné qu'on les mette dans l'enfer. فالحذر الحذر. Méfiance, méfiance. قبل الوقوع في الخطر. Avant de tomber en plein piège. قبل أن تعمل شيئاً. Avant de faire quoi que ce soit. اسأل نفسك. Pose-toi la question à toi-même. لماذا أقوم بهذا العمل؟ Pourquoi je vais faire cette action؟ هل فعلاً لله؟ Est-ce vraiment pour Dieu؟ أم للناس، ou bien pour les gens. أم لمصلحة أخبئها عن الناس. مصلحة لي أنا ليست لله. Ou bien tout ce que je fais c'est pour arriver à des intérêts personnels que je cache pour profiter de ce que je fais, des profits dans le monde ici-bas. Mais méfie-toi mon frère, Dieu est au courant de tout ce que tu fais. Tu ne peux pas cacher ce que tu fais à Dieu subhanahu wa ta'ala. نسأل الله التوفيق. On demande à Dieu l'aide. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله. Après ceci, serviteur de Dieu. سأتكلم في الخطبة الثانية عن نقطتين. Je vais aborder dans ce deuxième, dans cette deuxième partie de la khutbah sur deux points. Je vais aborder deux points. Al-Nuqta al-Oula, le premier point, في هذا الأحد, يعني بعد غد, تكون انتخابات المجلس الفرنسي للدين الإسلامي. Ce dimanche, ça veut dire juste après demain, il y aura les élections du Conseil français du culte musulman, ce qu'on appelle le CFCM. وأنبه على ضرورة الإخلاص في هذه العملية. Et j'attire l'attention sur la nécessité de l'ikhlas, de la sincérité dans cette opération. بالنسبة للناخب وبالنسبة للمرشح. Soit pour l'électeur ou bien pour le candidat. Les deux doivent être sincères. أقول للناخب الذي يمثل المسجد. Je dis au délégué qui va représenter dans le vote une mosquée, كن مخلصا لله في تصويتك. Sois sincère pour Dieu lors de ton vote. أن يكون هدفك هو خدمة الإسلام والمسلمين في فرنسا. Que ton intention de départ soit d'être au service de l'islam et des musulmans en France, de servir l'islam et les musulmans. La tusawwit ala insan li'annahu sadiquk. Ne vote pas pour quelqu'un parce que c'est ton ami. Ou min hayyik, ou parce qu'il appartient au même quartier que toi. Fasatughdibu Allah alayk. Certes, tu vas mécontenter Dieu de toi. In kunta mukhlishan, si tu es vraiment sincère, fasatusawwit liman tawaffarat fihi ash-shurut ad-daruriyya. Tu vas certainement voter dans le cas de sincérité pour celui qui remplit les conditions nécessaires. Akhi, la tansa anna sawtak شهادة ستسأل عنها غدا يوم القيامة. Frère, n'oublie pas que ton vote est un témoignage à propos duquel tu seras interrogé par lui, par Dieu subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection. وأقول للمرشح, et je dis au candidat, أخي, ما هي الغاية من ترشيحك. Frère, quel est le but de ta candidature? المرضات الله بإخلاص المئة بالمئة. Est-ce la satisfaction de Dieu à 100%? أم من أجل مصالحك الشخصية؟ Ou bien pour tirer un profit personnel, pour réaliser des intérêts personnels grâce à ta candidature. هل فرضت نفسك أم اختارك المسلمون؟ Est-ce que tu t'es imposé, t'as imposé ton nom sur la liste? Ou ce sont les musulmans qui t'ont choisi parce que tu es digne pour cela. Akhi, hal fik ash-shurut ad-daruriyya wa hiya. Mon frère, remplis-tu les conditions nécessaires qui sont, awalan, premièrement, ma'rifat al-islam, la connaissance de l'islam. Fa kayfa tumathil al-islam? Kayfa umathil al-islam wa ana la a'rifu? Comment dois-je représenter l'islam? Et je connais pas l'islam. Deuxièmement, l'iltizam bil-islam, la pratique d'islam, être un pratiquant. كيف تكون ممثلا؟ كيف أكون ممثلا للإسلام وقدوة؟ وأنا لا أطبق الفرائض الإسلامية. Comment dois-je être un représentant de l'islam et un modèle de l'islam? Et moi, je n'applique pas les recommandations obligatoires de l'islam. لا أصلي مثلا. Par exemple, je ne fais pas la prière. أو لا أخاف من الله, ou je ne crains pas Dieu. ففقد الشيء لا يعطيه, celui qui ne possède pas une chose ne peut pas l'offrir. ثالثا, troisièmement, الأخلاق العالية, la haute moralité. كيف أمثل الإسلام وأنا فظ غليظ. Comment dois-je représenter l'islam, moi qui est grossier et dur. Je ne maîtrise, je ne fais du bien que lorsque j'insulte les autres. La arham, je n'ai pas de pitié. La asmah, je ne pardonne jamais. Uhsinu as-siyah wa as-sab, je ne maîtrise dans les assemblées de ce genre de conseil que les cris et les insultes. Ça azra'u al-fitna. Certes, je vais semer la discorde et la séparation dans ce conseil. Yani ça azra'u al-fitna wa al-firqa fi al-majlis badal al-wahda, au lieu de réaliser dans ce conseil l'unité ou l'union des musulmans. Fa ana sa'unaffir an-nas min al-islam. Moi, je vais provoquer la fuite des gens de l'islam. Rabi'an al-qudra ala khidmat al-islam. Quatrièmement, la capacité de servir l'islam. Hal 'indi qudra ala at-tafkir? Ai-je une capacité de réflexion? Est-ce que je peux réfléchir? Est-ce que j'ai une bonne capacité à faire des propositions utiles pour l'islam en France? Est-ce que j'ai une capacité à participer dans des commissions, etc.? Ça veut dire je vais occuper une place dans le haut conseil, mais sans intérêt. لو تركته لمن يستحقه لكان أفضل. Si je laisse cette place pour celui qui la mérite, ça serait mieux. أخي, من لم تكن فيه هذه الشروط الضرورية. Frère, celui qui ne remplit pas ces conditions de base nécessaires, وبقي رغم ذلك مرشحا إلى maintenu malgré ceci sa candidature فهو ظالم للإسلام والمسلمين. Il est injuste envers l'islam et les musulmans. بمعنى له هدف آخر. Ça veut dire il a un autre but, il a un autre objectif. لأنه لا يستحق الترشيح. Parce qu'il ne mérite pas d'être candidat. بمعنى أنه غير مخلص لله. Ça veut dire il n'est pas sincère pour Dieu. فالإسلام يقول, l'islam dit, إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة. Quand la responsabilité sera donnée à ceux qui ne la méritent pas, attends à ce moment-là l'heure, ça veut dire l'heure finale, la fin du monde. والدليل في سؤال, et la preuve, l'argument se trouve dans une question. ماذا صنع المجلس الفرنسي للدين الإسلامي في السنين الماضية؟ Quel est le bilan du CFCM pendant les dernières années, pendant les années passées? الجواب, la réponse, المشاكل لا زالت كما هي. Les problèmes sont toujours les mêmes. الطعام الحلال في المدارس والمستشفيات والسجون. Le repas halal dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons. إيجاد مقابر للمسلمين في المدن الكبيرة بفرنسا. Créer des cimetières dans les grandes villes en France. إيجاد مذابح للمسلمين وحل مشكلة عيد الأضحى. Créer des abattoirs pour les musulmans et résoudre le problème de la fête du sacrifice. تنظيم الحج من غير ابتزاز الحجاج. L'organisation du pèlerinage sans l'escroquerie des pèlerins. إيجاد مدارس إسلامية. Créer ou construire ou préparer des écoles musulmanes. مصحات التوليد للمسلمات. Des cabinets d'accouchement pour les musulmanes. مراقبة اللحم الحلال. Surveiller la viande halal. هذه هي بعض مشاكلنا بفرنسا. Tels étaient quelques-uns de nos besoins en France. ونريد مجلسا يهتم أولا بحل هذه المشاكل. Et on veut un conseil, un CFCM qui se préoccupe d'abord par résoudre ces problèmes. لا نريد أعضاء في المجلس نسمع عنهم في الأخبار. On ne veut pas des représentants de l'islam dans ce conseil à propos desquels on va écouter dans les infos, voir dans les infos. ترأس, il a présidé. استقبل, il a accueilli tel ministre ou tel. فقط uniquement. أو تخاصم في المجلس مع الآخرين وسبهم. Ou bien il s'est disputé dans le conseil avec les autres et il les a insultés. فارق المجلس. Ou bien il a abandonné le CFCM. هدد بالاستقالة. Il a menacé par la démission. إلى آخره. Etc. أخي, أختي, frère, sœur. هناك أناس لم يصلحوا قلوبهم. Il y a des gens qui n'ont pas soigné leur cœur. Ils n'ont pas appris la bonne et la vraie servitude pour Dieu. Ils ont bien soigné l'extérieur. Ils ont négligé l'intérieur. Ils ont laissé le cœur ouvert devant les biens et les désirs de ce bas monde. تحت غطاء ومظلة الدين. Ils ont commencé à œuvrer pour la vie ici-bas sous le parapluie, sous la couverture de la religion. والدنيا ليست فقط مالا ونساء. La vie ici-bas ne résume pas uniquement à de l'argent, à de la fortune, à une fortune et à des femmes. ولكن كذلك حب الجاه. Mais en plus de ceci aussi, il y a l'amour du pouvoir. حب الرئاسة, l'amour de la présidence. حب الكراسي, l'amour des chaises. حب الشهرة, l'amour de la célébrité. وهذا أكبر خطر في حياة المسلمين. Et tel est le plus grand danger dans la vie des musulmans. لأن هؤلاء سيعملون لمصالحهم باسم الدين. Parce que ceux-là vont œuvrer pour leur propre intérêts au nom de la religion. Les œuvres de ces gens-là n'apporteront aucun résultat dans cette vie ici-bas parce que leur œuvre manque de sincérité. Ça veut dire que leurs œuvres ne sont pas bénies par Dieu. Parce que uniquement Dieu apporte les fruits des œuvres lorsqu'il trouve, lorsqu'il voit dans les cœurs ce qu'on appelle al-ikhlas, la sincérité. Al-nukta wa nas'alu Allah ta'ala wa tabarak an yakuna al-majlis al-qadim ahsana min al-awwal, et on demande à Dieu subhanahu wa ta'ala que ce nouveau conseil ou ce nouveau CFCM soit meilleur que le précédent. Al-nukta al-thaniya, le deuxième point. منذ أكثر من عشرة أيام depuis un peu plus que 10 jours والنقاش قائم بفرنسا حول قضية البكارة للفتيات المسلمات يعني depuis plus que 10 jours il y a eu un débat, il est toujours permanent et présent, un grand débat en France autour de l'affaire de la virginité de certaines filles musulmanes. هناك من الفرنسيين من شارك في هذا النقاش بدافع العداوة الإسلاموفوبيا بدافع العداوة للإسلام. Il y a parmi les Français ceux qui ont participé à ce débat par effet d'islamophobie. وهناك من شارك بدافع الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة. Il y en a d'autres qui ont participé à ce débat par l'effet ou le stimulateur était les droits de la femme ou l'égalité entre l'homme et la femme. Et j'aime aujourd'hui dire un mot à propos de cette affaire. Premièrement, لا يجوز للفتاة التي فقدت بكارتها يعني ما بقاتش عزبة البنت اللي فقدت بعت منها العزوبة ديالها فقدت بكارتها لا يجوز لها. Il n'est pas permis pour la fille qui a musulmane qui a perdu sa virginité al-qiyam bi'amaliya 'inda at-tabib li-islah ghisha' al-bakara. Il n'est pas permis pour elle d'aller chez un médecin afin de reconstituer l'hymen wa tu'ti akthar min 2000 euros. Elle va payer plus que 2000 euros à ce médecin. Wa dhalika li sababayn. Et cela pour deux raisons. Premièrement, le premier mot c'est la tromperie et le mensonge à la zouj envers le mari. On va bâtir un foyer conjugal, une vie conjugale basée sur la tromperie dès le départ et le mensonge. Et la tromperie et le mensonge sont bien interdits en islam. La deuxième raison. إبداء عورة الفتاة فرج الفتاة للطبيب الرجل من غير ضرورة حرام في الإسلام. Le fait de que la fille musulmane montre sa partie intime à un homme médecin et sans nécessité obligatoire est une chose interdite en islam. وخصوصا إذا كانت الغاية هي الكذب. Et surtout lorsque le but est le mensonge et de tromper un mari. وهؤلاء العائلات أو الفتيات يشوهن صورة الإسلام بفرنسا. Ces filles, ces familles salissent l'image de l'islam en France. وأصل كل هذا الجهل بالإسلام. Et la base de tout cela est l'ignorance de l'islam. والبعد عن الإسلام et l'éloignement par rapport à l'islam. الشيء الثاني, la deuxième chose. الرجل الذي يتزوج ويجد أن زوجته ليست بكرا ليست عذراء يعني ماشي عذباء. L'homme qui se marie avec une femme et trouve que sa femme n'est plus vierge, a perdu sa virginité. هناك أربع حالات. Il y a quatre cas. الحالة الأولى, le premier cas, أن المرأة كانت متزوجة قبل الزواج. C'est que la femme était bien mariée avec le mariage avec lui. يعني قبل الزواج به. وأذكر بأن كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبكارا ما كانوش عزبات أكثر يعني كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما سنرى حالة واحدة. Je rappelle ici que toutes les femmes du prophète prière et sage lui n'étaient pas vierges. وكن متزوجات قبل الزواج به. Elles étaient mariées avec d'autres hommes avant le mariage avec le prophète prière et sage lui. إلا عائشة رضي الله عنها, à part عائشة, que Dieu soit satisfait d'elle. فليس هناك أي مشكل في الزواج بمطلقة. Il n'y a aucun problème à se marier avec une femme divorcée. لأن الطلاق حلال في الإسلام, parce que le divorce est bien licite en islam. الحالة الثانية, le deuxième cas, أن المرأة قد فقدت بكارتها بسبب الألعاب الرياضية. c'est que la femme a perdu sa virginité à cause des jeux sportifs, de sport. Ou annaha usibat bil quwwa fi sibaha lamma kanat sabiyya la ta'rif. Ou peut-être elle a été victime d'un viol par force à son enfance. Wa fi kilta al halatayn hiya bari'a. Et dans les deux cas, elle est innocente. Wallahu la yuhibbu adh-dhulm. Et Dieu n'aime pas l'injustice. فتصدق المرأة ويتم الزواج. On doit donner raison dans ce cas à la femme, on doit croire à la parole de la femme et on doit continuer dans le mariage. وخصوصا إذا أقسمت بالله بأنها لم تزني قط. Et surtout lorsqu'elle jure, ou dans le cas où il a juré par Dieu, comme quoi jamais elle n'a pratiqué l'adultère. الحالة الثالثة, le troisième cas, أن المرأة قامت بالزنا في الماضي. Le troisième cas, la femme a bien fait l'adultère, la fornication dans le passé. Dans des moments de faiblesse de sa vie. Et il a reconnu ceci à son mari d'aujourd'hui. Mais auparavant, il a regretté. Elle s'est repentie. Elle est devenue vertueuse. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ. Dieu aime les vertueux et les vertueuses. Allah yaftah bab tawba lil rajul wa lil mar'a, mush faqat lil rajul fi l'islam. Dieu ouvre la porte du repentir pour l'homme et bien aussi pour la femme. C'est pas seulement pour l'homme. Et Dieu aime les vertueux ou les repentants ou les repentantes. Wa man taba min dhanbin fala dhanba lahu. Et celui qui se repent, qui revient d'un péché, ressemble à celui qui n'a jamais accompli le péché. Hakadha yaqulu l'islam. Ainsi préconise l'islam. فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَبِلَ تَوْبَتَهَا. Si Dieu a accepté son repentir, c'est-à-dire à cette femme, فَكَيْفَ لَا يَقْبَلُهَا الزَّوْجُ. Comment le mari ne va pas accepter son repentir? وَخُصُوصًا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ قَدْ زَنَا كَذَلِكَ وَتَابَ. Et surtout dans le cas où le mari lui aussi a commis l'adultère et il s'est repenti. Lui il l'a fait, mais il demande une femme vierge. Et pourquoi toi tu as touché les femmes et tu as enlevé leur virginité? Mais c'est contradictoire. بمعنى يصبح أنانيا, ça veut dire il devient un homme égoïste. الحالة الرابعة والأخيرة, le quatrième et dernier cas, أن المرأة زنت, c'est que la femme a commis l'adultère ou la fornication. وشك الرجل في توبتها, mais l'homme, le mari, a le doute dans son repentir. Ou لم يرضى أن يتزوج بامرأة فقدت بكارتها. Ou bien il n'a pas accepté de se marier avec une femme qui n'est pas vierge. في هذه الحالة يتفارق من غير أن يظلمها. Dans cette situation, dans ce quatrième cas, ils vont se séparer à l'amiable sans qu'il soit injuste envers la femme. وعليه أن يسترها عن كل الناس. وخصوصا والديها وعائلتها, لان سيعذب الوالدين الوالدين نشدروا. Et surtout il doit garder ce secret, il doit pas dévoiler son cas à tous les gens et surtout à ses parents et à sa famille, à sa propre famille. فالإسلام يأمر بالستر يا أخي. L'islam ordonne de garder le secret. L'islam ordonne de ne pas dévoiler les secrets, les défauts des autres et les péchés des autres. Man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah. Celui qui ne dévoile pas le secret ou le défaut de quelqu'un, Dieu ne dévoile pas le sien le jour de la résurrection. Atuhib an yafdaha rajulun ukhtaka aw ibnatak. Veux-tu, frère, qu'un homme dévoile et déshonore ta fille ou ta sœur dans des conditions similaires? L'islam yaqul, l'islam dit, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. L'un de vous ne croit vraiment que lorsqu'il aime pour les autres ce qu'il aime pour sa propre personne. Wa la haraja an yattafiq ar-rajul wal mar'a ala dhikri 'udrin ma akhar ghayr faqd al-bakara. Et il est souhaitable, il n'y a aucune gêne que les deux, l'homme et la femme, se mettent d'accord pour citer une autre raison pour la séparation à part la perte de virginité. Wa khususan fi hadha al-'asr, et surtout à notre époque, alladhi katurat fihi al-mughrayat, cette époque où la tentation est devenue présente ou très très présente. Wa hakada yatabayyan bi anna al-muslim هذا المسلم, هذا الفلين الذي طلب إلغاء الطلاق عند القاضي الشهر وذكر السبب فقد البكارة فقد أخطأ. Il devient clair maintenant que cet homme qui se trouve à Lille, qui a demandé la nullité de son mariage devant le juge, la honte, parce que sa femme n'est plus vierge, il a commis une erreur. وشوه الإسلام. Il a sali l'image de l'islam. وغالباً سبب ذلك الجهل بالإسلام. Et souvent la cause de ceci c'est l'ignorance de l'islam. ربما هو لا يصلي. Peut-être il ne fait même pas la prière. والتشبث بالتقاليد. Et on s'accroche, on s'attache aux traditions. Il devient clair aussi. Que ceux qui ont participé à ce débat, et qui ont adressé des mots blessants et durs envers l'islam, ils étaient injustes envers l'islam et les musulmans par ignorance. Et il devient clair aussi que la solution de tous ces problèmes, c'est le retour des musulmans à leur religion et d'apprendre bien leur islam. La solution est un plus d'islam et en islam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدينا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اللهم اجعلنا, اللهم إنا نسألك في هذا اليوم يوم الجمعة, اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين ومن عبادك المخلصين ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا. يا رب احمي الإسلام واحمي بيضة الإسلام. اللهم بارك للإخوة المسلمين في هذا المجلس القادم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بناتنا واحفظ أولادنا من القيام بالحرام, واللهم استرنا بسترك إلى يوم القيامة ويوم القيامة, وأدخلنا بسترك وعفوك إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.